Salimia kanisa mangaribia leo mujina Yesu Kristo. Ce soir, nous saluons l'assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Bwana Mungu apate kubariki kila mmoja. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Na miletea masalamu ya ndugu yetu fidèle Ayumba. Je vous apporte les salutations de notre frère fidèle Ayumba. Mtumishi wa Mungu apate kipusha unobiri pale Likasi. Les serviteurs de Dieu de Kipushi en train de prêcher à Likasi. Alisema tusalimie kanisa mujina la Yesu Kristo. Nous a demandé de saluer l'église dans le nom de Jésus-Christ. Ndugu yetu Raymond. Le frère Raymond. Ndugu yetu hapa. C'est notre frère d'ici. Depuis Lubumbashi na alinipikia simu. Nga Lubumbashi anita ku téléphone. Il m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Na ya inoba ni msalimie mujina Yesu Kristo. Le frère Clément Kunda. Ndugu Clément Kunda. Serviteur de Dieu de la Zambie. Mtumishi wa Mungu Zambia. Le frère Jean Geleka. Ndugu Jean Geleka. Serviteur de Dieu Kasumbalesa Douane. Mtumishi wa Mungu Kasumbalesa Douane. Et le frère Jules Dipelenge. Na ndugu Jules Kibelenge. Le pasteur de Kawama sur route Kolwezi. Mon route Kolwezi, pasteur à Pakawama. Il m'a aussi demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Naye alinomba ni msalimie mujina la Yesu Kristo. Que Dieu bénisse chacun de vous. Mungu abariki kila moja wenu. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent par internet. Tunasalimia tena wanaofuata kumtandao. Que le Seigneur le bénisse aussi. Mungu abariki nao. Levons-nous pour la lecture de la parole Mshimame, de Dieu. Shimame ndio kusoma neno la Mungu. Ézéchiel 18. Ézéchiel 10 namnan. Verset 31-32. Je rejetais loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Mutupemba na mwe kupitia makuvunja kote kwa neno kupitia mutena zambi. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Fanye kwa na romu pia na momu pia. Mujifanie moyo mupia na romu pia. Pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël? Jani munakufa nyumba ya Israeli. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Kwa nista ki lufla ulo nakufa. Dit le Seigneur l'Éternel. Ivi bwana wa milele asema. Convertissez-vous donc et vivez. Mugeuke basi na mpate kuishi. Prions. Dieu notre Père. Mungu baba yetu. Merci pour cet instant que tu nous as donné. Aksante kwa wakati unatupatia tena. De venir dans ta présence pour t'adorer. Kuya mwepu yako sutupate kuabudu. Pour écouter ta parole. Jokia neno lako. Et faire ta volonté. Na kufanya mapenzi yako. Alors que nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ. Wakati tunakusanyika mjina Yesu Kristo. Bénis chacun de nous. Ubariki la moja wetu. Puisses-tu guérir chaque malade. Pate kugonjwa, kuponya kila mgonjwa. Délie celui qui est lié. Fungule wote wenye kufungwa. Délivre celui qui est lié. Komboe ule mwenye kufungwa. Fortifie celui qui est faible. Utie nguvu mwenye kuwa dhaifu. Accorde à chacun selon les désirs ardents de son cœur. Upatie kila mmoja wetu kufuatana na nia upana ya moyo wake. Puisque tu es le Dieu qui sonde le cœur et le rein. Kusudi uko Mungu unachimba hata vifua na mioyo. Puis celui qui est venu n'étant pas sauvé, sauve le Seigneur. Ulalikuya mashipo kokolewa umokoe Bwana. Celui qui a besoin du Saint-Esprit, puisses-tu lui accorder. Ulikona hitaji Roho Mtakatifu umpatie Bwana. Nous nous attendons à toi. Tunajongojea kwako. Ôte-moi de la scène. Unitoshe mkibeta. Viens toi-même parler par ma bouche. We mwenye kwa useme kupitia kinywa yangu. Et donne la vie à celui qui est mort. Na upatie uzima kwa ule mwenye kufwa. Nous nous attendons à toi. Tunajongojea kwako. Du début jusqu'à la fin. Mwanzo hata mwisho. Nous prions que tu bénisses le berger de l'église qui est vraiment loin. Tunaomba mbariki mchungaji wa kanisa mwenye kwa mbali. Bénis notre ancien. Bariki mzee wetu. Bénis tous tes serviteurs en ce lieu. Batumishi yako bote paifashi. Bénis chaque frère et chaque soeur. Bariki la nduku na kila dada. Nous nous attendons à toi. Tunajongojea kwako. Au nom de Jésus Christ. Mujina Yesu Kristo. Amen. Amen. Ézéchiel 11. Ézéchiel 10 na munene. 10 na moye. 19 à 20. 19 à 20. Je leur donnerai un même cœur. Tuwapatia roho moja moja, moyo moja. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Na nitaweka ndani yenu roho mpya. J'ôterai de leur cœur. Tatosha mioyo yabo. De leur corps plutôt le cœur de pierre. Umiliabo mioyo ya maibwe. Et je leur donnerai un cœur de chair. Na nitapatia moyo mnofu. afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est ce que nous parlons sur un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pour avoir un esprit nouveau, un cœur nouveau, il nous est demandé de mourir à toute chose qui est du monde. Mourir à des natures que nous avons héritées de nos parents. Parce que nous tous, tels que nous sommes nés par nature, nous avons hérité des mauvais comportements. Maintenant, pour être un homme de valeur et hériter la nature de Dieu, il nous faut mourir et naître de nouveau. La nature de Dieu, nous recevons cela à la nouvelle naissance. Ce que nous venons de lire dans Ézéchiel 11, pour obéir à la nature de Dieu, il faut que l'homme reçoit un cœur nouveau et un esprit nouveau. Lorsque on enseigne à un inconverti les lois de Dieu, c'est comme si vous prenez une perles, vous mettez devant un cochon. Il ne va pas piétiner cela parce qu'il ne connaît pas la valeur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu comprends ça? On est là à l'église. Pour obéir aux exigences de Dieu, il y a une seule exigence, accepter de mourir et naître. C'est que vous allez recevoir la nature de Dieu. C'est lorsque vous aurez la nature de Dieu, c'est alors on va vous prêcher les lois de Dieu et tu vas obéir à cela sans préoccupation. Amen. Amen. Si tu aimes encore le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Alléluia. Que Dieu bénisse. Vous devez naître de nouveau. Dans la prédication, mon page, vous allez comme à la pire. Paragraphe 112. Nous t'avons 112. Deuxième partie. Qui pend de la pire. Celui qui croit. Où est à la vie éternelle. Eko na bujima mile. Est-ce que vous m'avez pas? Il y a ceux qui croient ici. Mungu tubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Muko na bujima kwa milele. Vous avez la vie éternelle. Moi benye kuamini mu jina ya mwana wa Mungu. Qui croyez dans le nom du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Mungu ana simplifier sana bujima kwa milele. Dieu a simplifié la vie éternelle. Munamu na kusema mtu anaanza kudutea, anapenda fanye kazi ya nguvu sana njoo kokolewa. Au point où l'homme commence à douter, il voulait fournir beaucoup d'efforts pour être sauvé. C'est aussi simple que ça. Iko kepe si zaidi kushindia. Celui qui croit, il est tout un ami. Il a la vie éternelle. Et on a bujima milele. Et on ne se limite pas par là. Na atushima mie pa kapali. Quelqu'un qui est réellement sauvé. Mutu la chaque couleur kweli kweli. Il a un travail à faire. Eko na kazi ya kufanya. Pas pour être sauvé. Aina kutumika juu ya kokolewa. Puisque tu es déjà sauvé. Kabla ushakokolewa. Tu dois travailler maintenant à ton salut. Unapasa kutumika samuile okovu yako. Avec crainte. Na boka. Et tremblement. Na kutetemeka. Pas pour avoir encore le salut. Aina juu ya kupokea tena mpoko. Mais pour plaire à celui qui t'a sauvé. Ni juu ya kufurahisha wala kupendeza ula kokoa. Alléluia. Celui qui croit à la vie éternelle. Et c'est quand vous croyez na, ni mwakati munaamini que vous mourrez. Njopale unakufwa. Uweke kumoja. Njopale utakufwa. Quand vous croyez, wakati unaamini, vous mourrez, unakufwa, et vous naissez. Na unazali kwa. Vous êtes régénéré. Unafanywa upya. Vous êtes une nouvelle créature. Unakuya kiumbe kipya. Selon 2 Corinthiens 5. Fatana wa Korinto wa pili sura ya 5. Verset 17. Musara ya 17. Si quelqu'un est en Christ. Kama mtu yuko ndani ya Kristo. Il est une nouvelle créature. Anakuwa kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées. Bile vitu vya zamani vinapita. Voici toutes choses. Natazama sasa vitu vyote. Sont devenues nouvelles. Vinakuwa vipya. Nous avons le temps de nous examiner chacun. Tuna ile wakati ya kila mtu kujiangalishisha. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il croit, mais il garde encore sa nature ancienne. Ici, nous sommes en train de faire les débats. Jadis, nous étions en train de vivre dans l'obscurité. Et lorsque Jésus nous a sauvés, nous fait sortir de l'obscurité et nous a amené dans sa lumière. Et la lumière de Jésus, c'est sa parole. Rappelez-vous, Mukumbuki, la mort n'a rien à voir avec l'âme. Lufu, alors qu'il faut y en nafsi. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, comme Zuri Alambay, la mort va simplement l'amener à sa destination. Lufu yo, itamupele kakula tenda kufikia. Alléluia. Ah. Ce n'est pas pour dire que la mort va tuer ton âme. Il y a un endroit pour les sauver. Il y a un endroit pour ceux qui ne sont pas sauvés. Là où leur destination de leurs âmes. Le corps, lorsque vous mourrez, ça va retourner dans la poussière. Ou comme à Vumbi, tu retourneras à la poussière. Mais l'âme a un endroit pour un nom incroyant, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Lorsque à la mort, dit, c'est le bon moment où un chrétien peut passer sur la terre. Amen. Amen. Parce que il voit sa destination. Ce que tu as pris sans toutefois voir, Dieu va le permettre que tu puisses quitter la foi, aller les expérimenter avec tes yeux. C'est pourquoi ni mzuri kila mtu ajirasure pa ima. Il est bon sur ce sujet que chacun de nous puisse se rassurer. Iko nonekana sa jo mambo ya chini. Ça paraît être très banal, très bas. Mais pour Christ wa biakwe. Mais une bonne chrétienté. Misingi yabo. Le fondement de la chrétienté. Ni kuzalika mara ya pili. C'est sur la nouvelle essence. Pa sho kuzalika mara ya pili. Sans la nouvelle essence, nduku. Bu Christ wa buna ako. Il y a pas de chrétienté. A tout aseme mambo ya bu Christ kama mtu. Nous pouvons pas parler de la chrétienté. Lorsqu'un homme n'est pas encore né de nouveau, on est ensemble. Trouvez un prédicateur qui vous prêche très bien. Mais la vie de ces prédicateurs, je ne suis pas contre le ministre. Que Dieu nous aide bien comprendre. Mais la vie du prédicateur, quand vous observez sa vie, ce n'est pas différent d'un païen. Il est à l'église, il est avec sa Bible, et avec le péché. N'est-ce pas, c'est malheureux. Le problème, c'est quoi? Il avait échappé sans tout faire naître de nouveau. Lorsque vous avez le ministère sans la nouvelle essence, il a quoi? Danger. C'est un danger, Nyatari. Lorsque vous vous mettez à servir Dieu sans danger, c'est un grand danger pour ton âme. Rappelez-vous, Mukumbuke, que l'âme, c'est ma nafsi, la mort plutôt, l'oufou, va amener ton âme à sa destination. Il n'avait pas tout les nafsi à quoi coupeler, qu'à couler la page koufiki. Est-ce que vous comprenez cela? Eti, muna eleo aibi. Vous avez encore, si vous avez encore le monde en vous, kama ki dunia kingali ndani yenu, dans votre âme, munafsi yenu, cette âme mourra. Il est nafsi takufu avec vous. Na weye. Et que le monde, na dunia, puisque le monde, ça, le dunia, est déjà condamné. Inesha kukumiwa. Comme vous vous aimez le monde, ça, on apenda paka vous dunia, serez condamné avec le monde. Ni kusema utahukumiwa na dunia. Dieu a condamné le monde. Mungu alihukumu dunia. C'est le système du monde. Ni imatengenezwa na dunia. Dieu l'a déjà condamné. Mungu anesha kuyukumu. Et le monde doit mourir. Na dunia inapasha kufa. C'est pourquoi si vous voulez vivre, je commande à acceptez de mourir au monde ukufe afin que la parole de Dieu vive en vous. Neno la Mungu ipate kuishi quand ndani la parole yako prend la préminence sur vous, wakati neno la Mungu fasi ya kwanza vous yako, serez garanti de vivre éternellement. Unakuwa na ile atikisho ya kuishi milele. Alléluia. Ah. Et si le monde est encore en vous, na kama ki dunia kingali ndani vous mourrez avec ce monde. Sema utakufa na hii dunia. Oh là là. Oh là là. Je ne vois pas comment cela pourrait être très clair. Mishib one namna kanimi ni sema tena wazi kabisa. Le paragraphe 114. Nous sommes à 114. Mais, la kim, si vous êtes né de nouveau, vous êtes vivant avec Christ. Nous sommes à Christ. Et en conséquence, vous allez vous affectionner aux choses d'en haut. Non à ceux qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que vous êtes d'abord mort. Et Christ. Na Christ et votre vie. Comme Christ vit. Peu importe la mort. Vous allez vivre avec Christ. Parce que Christ vit en vous. Sous forme de la parole de Dieu. Alléluia. Christ, il vit en vous. Vous vous affectionnerez aux choses d'en haut. Et non pas aux choses du monde. Mais, si vous êtes l'un de nouveau, de l'Esprit de Dieu, vous devenez une partie de Dieu. Et vous savez que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne peut pas renier sa parole. Quelqu'un qui est né de nouveau, il ne peut pas douter de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'incrédulité est ôtée et la foi a remplacé l'incrédulité. Alléluia. Suivez mes bien-aimés frères. Vous devenez une partie de Dieu. Comment ça? Dieu ne peut plus mourir. Dieu ne peut pas mourir. Et quand vous avez la vie éternelle en vous, vous ne mourrez plus jamais. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il arrive qu'il meure, je le ressusciterai encore. Il aura encore la vie. Christ est notre vie. Amen. Vous devenez une partie de Dieu. Et vous êtes éternel avec Dieu. Je ne sais pas si l'église a compris ça. Si vous naissez de nouveau, Christ entre en vous. Vous devenez une partie de Dieu. Vous n'allez plus mourir. Vous êtes passé d'une créature de temps à une créature de l'éternité. La mort ne peut plus jamais vous toucher. Est-ce que vous croyez ça comme ça? Amen. Quand vous croyez Christ entre en vous, tu ne cherches pas à connaître le mystère. Le mystère. Tu connais beaucoup de mystères, mais l'adultère, tu n'as pas encore appris. Les choses honteuses que tu frère, comme tabernacle. Un frère au tabernacle. Mais tu ne parles engrosser un païen à l'extérieur. Un païen. Et il commence à palabrer. C'est lui qui a une vie tordue. Dieu lui mettra toujours à nu. Ça vous servira à quoi de connaître le ministère? Mambo simple. Mais les choses, il y a chinichi. Il sait que lorsque quelqu'un croit, il ne commet plus la vie. Un des vins, il le sait. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Escroquerie. Quibiana. Mais c'est un chrétien. Et comme au tabernacle. Au tabernacle. Il va en s'endetter. Et il commence à éteindre même son appareil. Tu ne sauras jamais réparer ça. Pas quand tu es allé emprunter, on commence à t'appeler au téléphone. Non, tu frère, répondez au téléphone. Il dérange. Non, il n'a pas. Il ne dérange pas. Pas. Il est en train de demander sa dette. La sincérité est en voie même de disparaître, même parmi les enfants de Dieu. Il faut que Dieu nous aide. Vraiment. Comment allons-nous arriver? Comment allons-nous arriver? Les péchés, quand est-ce que vous allez arranger? Mais où on a message? Mais tu as les messages. Où on a ma brochure? Tu as des brochures. Où on a Bible? Tu as la Bible. Dans ma lettre circulaire, Yamin. Circulaire. La connaissance Yamin. Avec la connaissance de la parole. Tiens, on a escroqué. Et Nakuibiana. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je commence à me réserver à dire que Dieu nous bénisse. Parce que même les voleurs qui sont parmi nous seront bénis par ça. Même les adultères qui sont ici. C'est malheureux. Un homme, après avoir écouté ces messages, mais il est là. Mais avec une concubine à côté. Il est en train de vivre. Et il a même un enfant à côté. Mais Roi, il m'a son esprit ne lui dit rien. Un jour, tu viendras t'asseoir là et tu pries avec ta prière là de 2 minutes. Et même un catholique te dépasse. Tu fais ta prière là, fermant seulement les yeux, tu ouvres. Un jour viendra. Ce n'est pas une prophétie. Dieu va permettre. Tu rentres avec ta vie là, tordue. Tu viens t'asseoir. Du coup, une soeur se tient. Il te cite ton nom. Dans les quartiers où tu es. L'endroit où tu viens. Et ce que tu viens de faire. Si ce n'est pas comme ça, tu vas mourir. Là, la crainte va retourner dans l'église. Et ceux qui font souvent ce genre de choses, ce sont ceux qui sont échappés, ils ont refusé de naître de nouveau. Mungu a tout ça dit. Quand vous naissez de nouveau, quand tu comme la, pire, la mort ne peut plus jamais vous toucher. Pourquoi? Si vous êtes né de nouveau, vous êtes éternel, vous êtes changé d'une créature du temps et en une créature de l'éternité. Mais le soubassement, c'est la mort et la naissance. Si vous ne mourrez pas, vous ne pouvez pas naître de nouveau. Pour naître, il faut d'abord accepter de mourir. La naissance vient après la mort. Et quand vous mourrez réellement en Christ, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes, comme la Bible le dit, sont passées. Et voici toutes choses. Moi j'ai toujours dit ceci. Si quelqu'un expérimente réellement la nouvelle naissance, le premier à expérimenter ou à témoigner, c'est le ciel. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Et les deux, c'est votre cœur. La Bible dit, Romains chapitre 8, verset 16, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si tu ne l'es pas, le même esprit te parlera que tu n'es pas encore arrivé. Laisse de faire semblant d'être sauvé alors que le salut réel et là. Vous savez, mes bien-aimés frères, quand Dieu envoie sa parole concernant la vie, il ne parle pas pour que les gens meurent. Quand il parle au sujet de malade, c'est pour que le malade soit guéri. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand le Seigneur parle aux malades, c'est pour que les malades soient guéris. Quand il parle aux pécheurs, c'est pas pour que le pécheur soit c'est pour que le pécheur soit sauvé. Et pour être sauvé, une seule condition, rencontrer le sauveur. Il va te donner le salut. C'est sans argent, sans rien. Quand il parle au sujet du Saint-Esprit, c'est pour que celui qui a besoin du Saint-Esprit qu'il puisse le recevoir. Quand il parle au sujet de la délivrance, c'est pour que celui qui est lié, qu'il ne sorte plus lié, qu'il sorte de ce lieu étant délivré. La délivrance vient de notre Dieu. Colossiens chapitre 3. Quand vous êtes sauvé, vous allez mettre vos affections dans les choses d'en haut. C'est ce que nous venons de lire. et le fruit que vous allez produire, le genre de vie que vous allez mener va confirmer si la vie éternelle est déjà en toi ou non. Comment quelqu'un qui prétend avoir la vie éternelle, mais il est en train de découcher comme un canard, et enfin Bouchara qui s'embatte, il fait l'adultère comme un canard, c'est compliqué ça. Nathan. Même le prostitué que tu es en train de courtiser, elle s'étonne. Vous aussi le tabernacle ici? Dis non. Je fréquente le tabernacle seulement. Je fréquente moi aussi comme par hasard. C'est ça même renier Jésus. Judas avait renié Jésus. Et toi aussi tu as renié la parole de Dieu. Tous vous aurez la même récompense. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Nous savons qu'il y a quoi? C'est comme si vous foutez pour moi la Christ. Cherchez les choses d'en haut. C'est tout ce qui amène. Acceptons. Mais ce sont mes journaux. Je ne lis pas les journaux. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Comment vous fouquez la Christ? Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous fortement aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Pour paraître avec Christ dans la gloire, il faut que Christ paraisse aujourd'hui d'abord dans votre vie. Pour régner avec Christ dans le Seigneur, il faut que Christ règne d'abord dans votre vie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Cela est la vérité. Il est nous quoi? Faites donc mourir ce qui est dans vos membres. Qui est comme Jumbo et terrestre. N'a qu'à pas donner. Un. Qui a quoi ça? La débauche. Vous êtes fou. Boucharati. Mais qui est-ce qui baille? Abouna non kambaille. La débauche. Frère Oueno. Anatoka kana oule moana. Votre frère est en train de sortir avec telle fille. C'est mieux si tu n'avais jamais écouté. Semblant d'être. Mais tu as une vie là compliquée. Caméléon. Une vie de caméléon. Il était mieux de rester tel que tu es. Où tu rencontreras avec le Christ réel. Tu auras des expériences authentiques. Et la vie de Christ, ça va se manifester. Pour les faire semblant. Vous connaissez le deuxième témoignage? C'est ton cœur. Ton cœur va témoigner en toi que pendant que je suis en train de marcher, je suis un enfant de Dieu. Et je ne serai jamais. Et il y a beaucoup qui sont en train de parler ça, c'est par tes vérités. Mais il a des problèmes très difficiles. Mais il se prétend avoir la vie éternelle. Et c'est là que Jésus a dit, la porte est étroite. Il n'y a que peu de gens qui entrent. Efforcez-vous par entrer par cette porte. Est-ce que tout peut ça? On est ensemble, les gars. Allez au ciel. Ça ne sert pas comme si on a pris les gens sur Kipoy. On nous amène au ciel. Là, il y a une bataille à livrer. La Bible dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faudrait entrer dans les royaumes de Dieu. C'est le juste. Se sauve avec peine. Quelle sera la récompense des impies et des pécheurs? Marie pour yawazinifu na watenda zambi takuwa namna kani? Un païen qui vole. Et toi, un enfant de Dieu, tu voles. C'est là qu'ils sont en train de douter. Il dit, si toi tu vas au ciel, moi aussi j'entends. Si un païen te dit ça, c'est ça le moment d'aller vite à Jésus. Dis le Seigneur, parce que le croyant, ceux qui sont de nouveau, ils doivent avoir une vie différente avec les incroyants. N'est-ce pas ça l'église? Et on va te mentir, toi aussi tu mens. Oh, le juste tombe sept fois. Il se relève aussi sept fois. On a juste, toi, tu n'es pas juste. Parce que tu mens. Cherches de versets par lesquels te couvrir. Dieu connaît ton cœur. Un jour, tu sortiras, on va te mettre à nu. Et tu fuiras sans toutefois qu'on puisse te chasser. Faites donc mourir. On peut te couper à base. Ni mambo ya busharati bukufu. Que l'adultère puisse mourir. Maisha ile ina pacha kufu. Parce que c'est un esprit. Ça va mourir. Il est hérité na wewe. Que tu as aussi hérité. L'impureté. Chaf. La le passion. Tama. Le mauvais désir. Mania mbaya. Un chrétien doit avoir des pensées pures et correctes. Je garde l'index là-bas. Un chrétien, il a des pensées compliquées, y a tard. Si ma femme mourait, c'est telle sœur que je vais épouser. Qui t'a dit que ta femme mourra après? Peut-être c'est toi qui vas mourir après. Parce que tes pensées là sont diaboliques. Que Dieu nous bénisse. Et il y a une femme qui disait, moi j'aime des maris qui n'ont pas beaucoup de balles. Et là c'est l'esprit des prostituées qui te fait parler comme ça. C'est compliqué pour toi une femme mariée. Tu dis des choses comme ça. Tu es trop léger. Ou pour opé, c'est ça, ou au vieux. Mawazo. Les pensées. Les pensées. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous savez que le péché par le penser il est très grave. Il y a tari kabisa. Plus que même ce qu'on voit là. Parce qu'on peut t'aider par ce que tu en vois là. Mais ce qui se passe dans ta tête, dans tes pensées, c'est lui qui le connaît, c'est moi, toi et Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous voulez seulement les bénédictions. Dans les relations, que Dieu vous bénisse, mais vous n'avez pas encore arrêté de voler. Ce qui est la Bible, on a sème. Écoutez ce que la Bible dit. Philippiens 4. Ou Philippiens sur la Kaine. Verset 8. Au reste, frère. Que tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Alléluia. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui est vertueux. Et digne de louange. Soit l'objet de vos pensées. Les pensées, puis nous allons les classer où? Mawazo yetu, frère. Nos pensées à nous. Jomvitele tunapasha kuwa naye. C'est ça notre bataille que nous devons livrer. Le prophète a été inspiré. Il lui a dit, Nabi Alpata Musukumo. Il dit, il a prêché tout un sermon. La plus grande bataille. Jamais livré. Il est Ayapigiwak. Il dit cette bataille-là. C'est fait dans la pensée. C'est là que l'ennemi vient te nourrir de mauvaises pensées. Et si tu en acceptes, ça n'est fini de toi. Ouais, les gens qui tombent dans la douche. Le diable vient te nourrir d'abord de pensées négatives. Il va te mentir à travers tes pensées. Étant marié. Il te dit, regardez d'abord. En pantalon. Elle dépasse ta femme. Elle va te nourrir d'abord de pensées sales. Et lorsque tu vas là-bas, tu auras honte. Tu verras que tu t'es plongé dans une chose seulement. Et quelque chose pour y sortir, il faut vraiment l'aide de Dieu. Alors, il dit, fuyez l'impudicité. Tout le péché que l'on peut faire, le péché là, c'est à l'extérieur du corps. Mais en ce qui concerne l'adultère, s'il faut que la femme te dise que tu es vraiment insensé, accepte, fuis le véhicule quand tu te retrouves au milieu de la route. J'accepte, je suis insensé. Que Dieu nous aide. Il va te nourrir d'abord de pensées. Abraham dit, si nous prenons la pensée de tout un chacun de nous, même si le prophète n'est pas encore, je prends seulement ces pensées-là. On prend le nom de chaque frère et on puisse noter quelque part. Et puis que Dieu puisse permettre ce que tes pensées, ce qui se passe dans nos esprits, ça ne passe pas comme ça. Allez, Dieu est en train d'enregistrer dans sa caméra. Le jour du jugement, si tu ne te répands pas, tu vas retrouver tes pensées là-bas. Voilà pourquoi on a sema. Pourquoi il dit tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, tout ce qui peut donner la joie. C'est un enfant de Dieu. L'objet des pensées de chacun de nous. Alléluia. Maintenant, on n'a pas écrit tout ce que tu penses. On passe devant systématiquement frère Ilunga. Regardez le pensée des frères Ilunga. Frère, je pense que tu as évanoui le baléico. Ou Takauka. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une petite vidéo. Anasema, est-ce que on a eu ce accepterez-vous de rester devant ta femme avec tes enfants, filles et garçons, et comprends juste un petit vidéo de ta vie. On met à l'écran et vous tous, toute la famille regarde. On peut faire ça? Tu vas accepter de mourir, tu vas fuir par honte, tu fuiras ta maison. C'est pourquoi avant que cela n'arrive, commence par te préparer. Dieu parle d'autres choses dans la simplicité. Et c'est comme ça qu'il a préparé de parler. Mais celui qui est de Dieu, il écoute aussi une fois. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Tout cela, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mawazo d'abord. Les pensées. Maintenant écoutez. Le mauvais désir. Les cupidités. Frère, makuta. L'argent. La Bible dit ndiomu jiji abubaya bote budanza paidoni. C'est ça le racine de tout le mot. Dans l'argent, il y a une puissance. Imaginez-vous un enfant de Dieu, fils de Dieu. On lui a vendu à l'échange d'argent. Judas. Il a livré Jésus à cause de l'argent. Delila. Il a livré Samson à cause d'argent. Balaam. Il était sur le point de maudire le peuple de Dieu à cause d'argent. Ça, c'est l'avertissement pour nous, les serviteurs de Dieu. Lorsqu'un serviteur de Dieu ne fait pas attention avec ces trois choses, ça va te mettre par terre et tu vas arrêter de prêcher sans toute force qu'on puisse te dire d'arrêter. C'est comme ça, nous. Parce que le ministère, c'est un vase. Ni chombo. Et quand le vase tombe, na kati ya chombo inanguka, il va se casser. Na itapasuka. Awezi kuona kilauri ku mkono. Tu peux voir kianguje kipige mukaro et tu vas te faire kijima. Mukaro ça reste intact. Njoba le nona na bakia. Il a vous allez voir. Acha ni pika mbavu chini. Il est par terre. Anakuria mavumbi ya haya. Il a déjà avalé la poussière. Il échoue maintenant de prêcher devant tout le monde parce qu'il a déjà mordu la poussière. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Frère Moya na yemubiri. Il y a un frère aussi prédicateur. Il est entré dans le véhicule avec notre sœur délicate. C'est tellement que dada quoi simple. Dada quoi munyeke kabisa. Ananza ko mubaratine mu motoka. Il commence à baratiner notre sœur dans le véhicule. Aya. Ah, quelle honte. Non, mina kupenda. Non, ma sœur, dada. Le prophète anasema. Et le prophète dit, kama una woku marié. Si toi tu es marié. Unaambia mwanamke mwingine sema mina kupenda. Et dit à une autre femme que je t'aime. Devant Dieu. Bel amour. Tu as déjà divorcé avec ta femme. Usha kuvunja ndoa na bibi yako. Hata uchinge utachinga ta kwako. Accepte, même chez toi tu vas accepter. Tena kama useme amen kuna roho mbaya. Et si tu ne dis pas amen, tu es méchant. Bah tu sais ce que tu fais. Oh, mina kupenda. Oh, ma soeur, dada, je t'aime. Dada, et la soeur se tourne. Dieu est vu le frère. C'est, comment ça, frère? Tena, à qui il a mouté? Il a perdu le frère. La soeur a appelé. Comment ça, mon frère? Je il ne s'est pas rendu compte que ça, ça peut être le frère. Et il continue. Dieu a nini. Pourquoi? Osée chapitre 4. Osée 4. Verset 11. La prostitution. Boucharati, bundum. Le vin. Vigno et le mou na bitu ya kulewesha vigno ya butamu vigno ya butamu ça fait perdre le sens de quelqu'un inekaraka mkupotesha akili ya mtu akili ilikuwa isha kumpotea il avait déjà perdu le bon sens pale kuna sumburia na ule dada pendant qu'il était en train de parler avec la sœur tu vois mon onaka takwenda na motoka mwingine lorsque vous allez avec le véhicule à coup de vous unaona tu mwanaume juu ya mwanamke tu ano acha kushimama fa ana sabo sio kumkachikati ya barabara il oublie qu'il est au milieu de la route un homme s'arrête parce qu'il a déjà perdu le bon sens. Et on a tembé, attends au volant. Tu es au volant? Le téléphone. Avec le téléphone. Montre vidéo. On appelle vidéo. Vidéo. Appelle vidéo. On a fait un accident. Il fait l'accident. On a fait l'un de ces millions de 15 jours. J'ai vu le Boucharati. Coup de route. C'est la dutelle. Ça perd de bon sens. Mon gars, tu sais dire. Que Dieu nous aide. Ça, c'est frère. Je suis venu à la maison. Frère. N'est-ce pas c'est toi qui nous prêchais? Comment t'as bien ville? Et comment tu vas me dire ça? Eh, frère, c'est retard. Maintenant, j'ai blagué. Misa ya bushenji. Quel genre de blague? Pourquoi ça quoi okovu, frère? Manque de salut. C'est ce qui pousse les gens sur cette voie. Il n'y a pas autre moyen de les dire. À continuer. Le mauvais désir. Et la cupidité. Qui est une idolâtrie. Il y a quoi, Sanam? Banamu qui veut on a protégé ma bouquère et tout Dieu en franga. À cause d'argent, les femmes perdent leur mariage. On a sacrifié. On a vendu qui a pour qui en doit Dieu à 200 $. Tu brises le vœu du mariage à cause de 200 or $. $5,000. Je vais t'accorder ici, Maya. Là, ça va te retourner l'honneur que tu avais. Les hommes qui séduisent les femmes mariées. La plupart. Baming. Ababa owake. On ne le prend pas marié. On va te répudier. Na ule na yana kwa ndama. Et lui aussi, il va te chasser. Unabaki kipepeo tu vas rester comme un papillon. Et pour donner du travail au pasteur. Va mourir avec tes péchés. Beba papa haya yako tembea na. Charge-toi de ta honte et marche avec. C'est un manque de la nouvelle naissance. Nous kosa kuzali kwa mala api. Mutu mwenye kuzali kwa mala api. Kuko bintu bila jita supporter. Il y a des choses qui ne va jamais supporter. Aina wewe unafanya effort. Ce n'est pas toi qui fournis des efforts pour supporter. Ni Mungu. C'est Dieu. Kupitia Yesu Kristo mwana wake. Jésus son fils. Et qu'on a ishi maisha takatifu. Il est en train de vivre une vie sainte. À travers ta vie. Kupitia maisha yako. Laisse toi fouet. Mungu atusaidi. Chiki yandu kya mpendo. Écoutez mon frère bien-aimé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Est le même hier. Nous le maman Jana. Aujourd'hui. Léo. Et éternel. Na mileli. Vous le croyez comme cela? Mama mini vile. Quand Jésus était sur la terre. Wakati Yesu alikuwa dunia. Il avait une genre de vie qu'il menait. Si vous allez au champ, vous trouvez une tige de maïs. Vous allez espérer récolter le maïs à ce tige-là. N'est-ce pas? Lorsque vous plantez les pommes de terre et vous voyez ça, vous espérez que sur la terre là-bas, il y a des pommes de terre en bas. Ce n'est pas à l'âge, mais il y en a quand même. Quelqu'un peut aller au champ, il trouve de maïs à cette terre, il rentre avec joie, il dit, j'ai trouvé mon champ, le maïs, il y a des vrais, mais c'est encore de l'herbe seulement. Le maïs ne sont pas encore. Et c'est comme ça un chrétien. Lorsque tu es véritablement un nouveau, après avoir mourir à la mondanité, lorsque Dieu te regarde, il te voit déjà dans la perfection. Alléluia. Amen. Quand il était ici sur la terre, il a dit, je suis le sept. Minjo Muchi. Et vous, Namoy, vous êtes le sarment. Muko maou matawi. Matawi. Le sarment. Muchi. Matawi. Ne produit pas le fruit. Aïkalem kutosha matunda. Pour que le sarment donne du fruit, matunda, il faut que le sceptre transmette la vie dans le sarment. Inafai muchi ipeleke bujima mu matawi. Alléluia. Amen. Pour qu'un enfant de Dieu produise la vie de Christ, Christ qui est le cep, Christ doit te donner l'eau de la vie. Il doit te transmettre cette vie qui est en lui. Ainsi tu vivras aussi comme Christ avait vécu. Amen. Voyez, faut maintenant me dire un exemple. Il dit, regardez Élie le prophète. Quand Élie a vécu, c'était l'esprit de Dieu sur Élie. Soyons ensemble. Élie est mort. Élie a nakufu. Cet esprit est retourné sur Élisée. Il est haut et n'arrondit lui à Élisha. Et Élisée aussi. Na Élisha na. A vécu exactement comme Élie avait vécu. Arishi pas moi na Élie avait. Pourquoi? C'était le même esprit qui était sur Élie qui est revenu sur Élisée. Nuro mo amo ko lui à Élie na n'arrondit lui à Élisha. Et en double portion d'ailleurs. Na mumala mbili. Quand Élisée aussi est mort. Wakati Élisha na. Le même esprit qui était sur Élisée. Nuro mo amo ko lui à Élisha. Est revenu sur Jean-Baptiste. Est-ce que nous sommes ensemble? Pas moi. Et Jean-Baptiste a vécu exactement comme Élie avait vécu. Il a vécu aussi comme Élisée a vécu. Parce que pour que l'esprit quitte sur Élisée pour aller sur Jean-Baptiste, il y a eu presque 800 ans qui s'est écoulé. 800 ans, répète. Il n'y a qu'à mi amunane. Mais il a vécu comme Élisée a vécu. C'est ainsi que le prophète dit. Si l'esprit de Christ revient sur l'adorateur, sur chaque véritable enfant de Dieu et une fille de Dieu, ce dernier, il vivra aussi la vie que Christ a vécue sur la terre. Pourquoi? Ce n'est pas ta propre vie. Ce n'est pas ma vie. C'est la vie de Dieu qu'il est en train de continuer à travers toi et à travers toi, ma soeur. C'est là que je vous disais, frère, Kuku Mazambingine est grave, oui, foi. Yo, mais il y a d'autres péchés, c'est grave. Dire Paul, on a dit, Mazambingine, yo, te montre, on a fait, yo, inje, yamouili. Peut-être que Paul le dit, tout péché qu'un homme peut commettre, c'est en dehors du corps. Mais Zambia Boucharati. Mais le péché d'adultère. Ni échange y a d'âme. C'est l'échange des sangs. On a dit changer d'âme. D'échanger les sangs. Attends, on a quoi, Koutou? Ou t'as touché les dames, Dieu? Tu viens te repentir. Comment est-ce que tu vas faire sortir ces sangs? Ou t'as dit, Rumi, yawe, moya. C'est toi-même, tu vas te pardonner. Ce sont des choses graves, frère. La femme, c'est un vase sacré par lequel la vie vient au monde. Mais toi, tu acceptes de souiller cette voie. Non, Dieu ne va pas te laisser comme ça. Tu vas payer même à la quatrième génération. Tant que le ciel et la terre subsistent, Dieu ne te laissera pas. Le genre de fruit que vous menez montre le type de la semence qui a été ensemencée dans le cœur. Joikunonesha aina ya mbeko ile baripanda ndani ya roho yako. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Mes œuvres témoignent ma foi. Jo, yunashuhudia imani yangu. Ce que je fais, kile niko nafanya, montre ce que je suis. Jo, kikunonesha kile niko. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Voyez mes frères. Unaona anduku. Si vous allez au champ pour trouver du pastèque, vous allez espérer de récolter le pastèque là-bas. Et quand Christ est aussi dans votre vie, vous produirez la vie que Christ a produit tant qu'il était sur la terre. Ça ne sert à rien de jeûner. Demain, c'est vendredi, on va prier. Ça ne sert à rien. Seigneur, donne-moi la vie de la sainteté. Donne-moi ta nature. C'est dur, mais c'est la vérité. Même si tu jeûnes, tant que tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, même la prière n'est pas écoutée de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble, l'église? Tout pas moins. Frère Branham dit, c'est là n'est pas du lait écrémé. Asema ile, aina majiba. Aina majiba. Mais c'est la nourriture solide. Lakini ni chakula ya nguvu ya bujito. Dieu accepte de donner tel qu'elle est. Na Mungu anaitika kupatia batuka pour que chaque enfant de Dieu, Dieu kila mtoto wa Mungu, se réveille enfin du sommeil. Apate kulamuka mbushingishi. Qu'il puisse cesser couvrir même. Aditeke se mwenyewe. Et dit, na aseme, maintenant, apasas, le salut est plus près de nous. Inesha kwa karibu na mimi sana. Que lorsque je fréquentais ile wakati nilikuwa na voilà. Alléluia. Eh bien, Mzuri. Si nous nous disons que nous sommes chrétiens, quand on dit que c'est tout Christ, et que nous sommes l'église chrétienne, na tout kanisa ki Christ, nous devrions porter le même genre de fruits que le sept avait produit. Tu n'as pas choué na ahina matunda mwamwa ile mutiritoaka. Waza tu Pierre. Imaginez-vous Pierre. Donc on a tombé à Paul. Marche avec Paul. Ah, on a Jean. Jean. Jean en escroqué ma route à Pierre. Jean escroque l'argent de Pierre. Pierre en a le pôle en sa main qui a quitté. Pierre, il va aller pêcher. Que je suis à qui est dans le lendemain, il vend. André en a couru. André qui vient. En a moins escroqué en sa main. Il prend son le poisson. C'est ça que toi tu fais. Et tu demandes pardon seulement. Le problème n'est pas de te consoler, c'est moi que moi je suis baptisé. Et je ne te prêche pas pour qu'on puisse te rebaptiser encore. Non. Je suis en train de prêcher parce que nous tous, nous avons besoin avec une dose de la croix. Nous avons besoin d'une dose moi à Moussalaba. Alléluia. Amen. Il est question de retourner à la croix. Accepter de mourir là. Et que la vie de Christ puisse se manifester. Tant que la lombe, mon ne pas ma peine. Tant que tu demandes à Dieu, Dieu accorde-moi l'amour. Alors qu'il y a au début, tu n'es pas corné de nouveau. Ma peine de Yamou, l'amour de Dieu ne descendra jamais. Il est question de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Lorsque tu es né de nouveau, Dieu, on a pas ta nature, c'est là que tu reçois la nature de Dieu. Et la première nature de Dieu, c'est l'amour. Tu ne vas pas demander l'amour. Dieu va te remplir de son amour. Parce que c'est ça sa nature. Il veut que. Pas qu'il veut que. Tel qu'il est, pas vile éco, tel aussi vous êtes. Dieu veut nous voir, nous tous, les enfants de Dieu véritables. Si l'église est remplie de gens, et toute nature de péché et de paganisme entre. La beauté de l'église, ce n'est pas le nombre de gens. La beauté de l'église, c'est lorsque les gens qui sont dans l'église, chaque individu, chaque soeur, il est né de nouveau. La vie de Dieu, ça va se manifester sans difficulté. Dans la vie de l'homme où Dieu habite, l'amour de Dieu doit se manifester ouvertement. Ce n'est pas s'exhorter quand Kamanishana. Ce n'est pas même si on te prêche, ce sont des choses qui sont à l'intérieur. On stimule seulement ces choses-là et que la vie puisse se manifester. Et la lumière est éclairée. Oh, que Dieu nous aide. Mungu atusaidi. Que le Seigneur nous aide. Mungu atusaidi. On ne peut pas construire sans mettre des bases, les bila fondations. On ne peut pas grandir tant qu'on n'est pas né. Ceux-là qui grandissent, c'est ceux qui ont expérimenté d'abord la naissance. Tu ne peux pas manger tant que tu n'es pas né. Il faut d'abord naître pour qu'on te donne à manger. On ne peut pas donner à manger au fœtus. C'est impossible. Et le monde n'a pas besoin d'entendre le cri. Mais le ciel a besoin d'entendre de véritables cris. Parce que là où il y a la vie, il y a le cri. La signification de la vie. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu nous aide. Il faut pas que tu sois né peut-être, mais tu es déjà né. Mais tu étais mort-né. Parce que le prophète aussi dit cela. Il dit, il y a les gens qui sont nés. Mais ce sont des morts-nés. Quand un bébé est né, sans bruit, sans émotion, ce bébé-là, sincèrement parlant, c'était mort-né. Si un bébé aussi est né, et ayant la vie, même si sa mère elle passe à coucher cet enfant va crier en salle de bain avant de l'étrangler, c'est comme ils ont l'habitude de le faire. Et même le canard, toi tu prends ton enfant pour aller jeter dans le fossé septique. Combien de gens sont en train de prendre des choses amères pour les enfants? Mais toi, tu as un enfant pour aller jeter dans une fosse septique. Son sang là, jusqu'à ce soir, crie encore. Et toi, tu as donné l'argent pour permettre l'avortement. Et le médecin est allé ouvrir le corps. Tous les trois. Le meurtrier. C'est comme ça. Même chez toi, tu iras répondre par amen. Avec tout ça, nouvelle naissance. Tout ça comme la pire. Que Dieu nous aide. Nous devons mourir à toutes ces choses afin de vivre avec Christ. Si vous ne mourrez pas, vous n'allez pas vivre. On est aimé. Zewana wangu katika njia ya kwenda mbinguni unipatie milele Bwana kendele ona tous ensemble, prions. Mais si on n'était pas moi.